lycée. Il est 15h. Et voici l'heure du Zbing et du Boeing. Pour les noobs et les geeks, les filles connectées et les garçons tunés, et tous les mélomanes. Pour la musique dans le pixel, c'est Pixel Music. Pixel Music. RQC. Et bienvenue à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de RQC, que ce soit sur la bande FM 95, FM 95, ou sur rqc.be. Et nous voici pour une toute nouvelle, pas émission, parce que ça, voilà, c'est déjà la troisième, mais une toute nouvelle émission Pixel Music. Et là, nous allons changer de thème. On a fait du mignon, du sympa avec le petit mignon. Bah, c'était le jeu Tearaway. Le sympa, le fun, bah, c'était Crazy Taxi. Et là, nous allons passer un peu dans l'horreur, dans la peur et tout, avec un jeu où je vous laisse découvrir le thème principal qui s'appelle Theme of Laura. Et je vous parlerai après un peu plus de ce jeu. C'était Theme of Laura, C'est voilà le jeu pour les connaisseurs. Si vous avez déjà entendu ou déjà joué, c'est Silent Hill 2 où la BO est classée généralement dans les trois premiers BO de jeux vidéo au niveau musique. Donc là, je vous laisse voilà en fond musical ce Theme of Laura qui est entre guillemets ouais un peu la musique qu'on entend assez régulièrement quand on n'entend pas les autres musiques. Et donc Silent Hill 2, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, on va parler un peu de technique du jeu, la fiche technique du jeu vidéo. La date de sortie, c'est 2001. Donc un jeu, on va dire, ancien, mais pas non plus hyper ancien. Contrairement à Crazy Taxi qui est un peu plus ancien. La console et les portages, c'est à la base sorti sur PlayStation 2. Et il y a eu un portage sur Xbox, donc voilà, pas de jaloux, ceux qui avaient la PS2, qui avaient la Xbox, au bout d'un moment, pouvaient rejouer. Et après, c'était sous-titré Inner Fears pour Silent Hill 2 sur Xbox, donc sinon Silent Hill 2 juste. Et sur PS2, il y a eu une Director Scott et sur Windows aussi en 2002, donc sur les ordinateurs qui sont sortis une version Director Scott. L'éditeur c'est Konami, donc il y a eu pas mal de jeux Konami qui ont été sortis, donc la fameuse saga Silent Hill, beaucoup de jeux d'arcade, anciennement d'arcade qui sont venus sur console, comme les jeux de Dance et compagnie. Et le concepteur c'est Masashi Tsuboyama. Donc excusez-moi, je suis pas japonaise, donc j'ai peut-être éraflé son nom. Et le genre c'est du survival horror. Et donc qu'est-ce que du survival horror ? Généralement c'est un jeu qui doit provoquer la peur, les sursauts, voilà, pas mal de frayeurs. Et moi je dirais plus que c'est un survival horror psychologique Silent Hill. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Et donc là, on est sur... je vais vous faire un peu le synopsis du jeu. C'est sur la vie de James Sutherland, qui se brisa après la mort tragique de sa jeune épouse Marie. Mais 3 ans plus tard, il reçoit une troublante lettre de sa part, lui demandant de retourner à la mystérieuse ville de Silent Hill. Silent Hill qui veut dire « colline du silence ». Leur lieu de souvenir. Même si cela lui paraît insensé, James décide de partir à sa recherche. Voilà, donc ça, voilà, une personne disparue, on veut la chercher, chercher ses souvenirs là où on s'est connu, mais Silent Hill cache bien, bien des secrets. Et pour continuer, je vous dis voilà, première chanson qu'on entend après le thème de Laura qui lance le jeu, c'est White Noise, pour vous faire découvrir tout ça. Donc voilà, un peu pour vous mettre dans l'ambiance de Silent Hill, White Noise, donc bruit blanc, ça veut dire. Mais ça nous met bien un peu dans l'ambiance un peu glauque, un peu mystérieuse de cette ville, ce White Noise, qui est vraiment, voilà, qui nous met dans l'ambiance de Silent Hill, qui fait peur. Il faut savoir que la BO, c'est Akira Yamaoka. et je vous en parlerai peut-être un peu plus. Et on va découvrir un peu le Heaven's Night, qui est le bar où va trouver, où James va se trouver et va trouver une personne qui ressemble très fortement à Marie, qui s'appelle Maria. Voilà, je pense que si vous suivez Marie, Maria, c'est peut-être pas pour rien. Donc je vous laisse découvrir le Heaven's Night et vous allez découvrir ce que ça veut dire. Voilà, c'était Heaven's Night, donc c'est la boîte de nuit où on va découvrir le personnage de Maria. Donc je vais vous parler un peu du compositeur, donc Akira Yamaoka. Donc c'est un... voilà, il est japonais comme on peut l'entendre avec son nom. Il est né le 6 avril 1968, donc il est assez jeune encore. Et il a rejoint Konami en 93, donc bien avant la sortie de Silent Hill 2. Donc il a composé quelques jeux sur la Famicom et la Mega Drive. Et en 99, il devient responsable du son et de la musique du jeu Silent Hill. Et donc de la licence Silent Hill. À partir de Silent Hill 3, il devient producteur de la série et contribue en plus de la musique, du fond musique et sonore. Donc ça veut dire qu'il va participer à la... à tout ce qui est bruit qu'on peut entendre, comme des bruits de pas sur du verre, comme les bruits des monstres qu'on peut voir, et d'autres aspects du scénario aussi. Donc il a aussi travaillé sur Silent Hill 3, pas sur le 2, mais les aspects un peu scénaristiques. Voilà. Et en 2006, il est aussi compositeur de Silent Hill, le film. Donc c'est réalisé par un Français, Christopher Gans, qui intègre quelques mélodies de la série. Donc on peut entendre au niveau du film des chansons du 2. Je ne me rappelle plus lesquelles, mais voilà, en entendant, je pourrais vous dire, voilà, ça fait partie du film, mais c'était tiré du jeu vidéo, même s'il en a composé, la majorité était composée pour le film Silent Hill 2. Silent Hill. Qui est excellent au niveau parce que ce n'est pas une reprise d'un des jeux Silent Hill, mais c'était plus comment vous dire, c'est une histoire, voilà, qui se passe à Silent Hill avec l'esprit Silent Hill. Donc voilà, si vous avez vu le film, vous attendiez pas à jouer au jeu exactement pareil, mais vous avez vraiment toutes les propriétés de ce jeu. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'il a gardé le compositeur musical qui a vraiment travaillé avec ce jeu-là. Donc, il n'a pas dénaturé l'œuvre comme certains jeux vidéo qui ont été tirés en film où ils sont complètement dénaturés. Donc, je ne citerai pas le nom, mais un grand survival horror aussi, où je trouve que les films sont pas terribles par rapport au jeu. Et donc en 2009, il quitte Konami. Donc c'est le dernier Silent Hill qu'il a fait musicalement. C'est Silent Hill Shattered Memories. Et par contre, on va le retrouver plus tard, en 2012, avec la BO de Lollipop Chainsaw. C'est un jeu, c'est un jeu fun. C'est sur combattre des zombies avec une nana pom-pom girl, la blonde pom-pom girl, un peu délurée, habillée. Un peu fan service, voilà, on va dire ça. Les fan service, c'est au Japon, c'est tout ce qui est attrait à la petite culotte, au soutien-gorge et compagnie, où on voit les jeunes filles courtement vêtues. On voit facilement, on voit pas de nudité, mais on voit plus facilement la culotte, le petit soutien-gorge, et voilà. Donc, un jeu fan service, c'est un peu ce genre-là. À la sauce zombie, mais très fandard, une musique au top. Donc ça sera peut-être un jeu que je vous parlerai prochainement, mais c'est pas les jeux que pour l'instant j'ai programmé. Il remixera aussi également une piste pour le groupe japonais Dire Grey. Donc Dire Grey, c'est un groupe japonais de métal qui est assez connu même en Europe et tout. Akira Yamaoka, c'est pas n'importe qui, ne serait-ce qu'au jeu vidéo, mais voilà, il a aussi travaillé avec des artistes et pas que le jeu vidéo, et Dire Grey en fait partie. Là, je n'ai pas pris de Dire Grey, mais si vous allez taper Dire Grey sur YouTube, vous allez voir ce que c'est, et c'est assez sympathique, on va dire, la J-Rock, J-Metal, c'est... Dire Grey, pour les fans de J-Music, c'est un peu le nom attendu pour les métalleux, les rockers, et même les noms fans de J-Music. Donc là, je vous passe une autre chanson de Silent Hill. Là, on a toujours le thème de Laura. Et il faut savoir qu'il a composé ce thème-là en 3 jours. Chez lui, il s'est enfermé chez lui. Et donc, il a mis 3 jours pour faire ce thème principal. Et il dit qu'en combinant une musique triste et un rythme puissant, et voilà, c'est comme ça qu'il définit, c'est une musique triste et un rythme puissant, bien qu'il ne considère pas la mélodie comme le plus important dans un morceau de musique. Il cherche à évoquer une émotion au joueur à travers la musique. Et donc là, je vous parlerai après, passer à She's a Ghost de toujours Silent Hill 2. RQC. Il y en a qui ont le cœur si. Faut que je plonge dans la vie. Tes sensations. Dans une vie où je sens, où je plonge pour te jouer. Ta musique. Ta génération. Ta génération. Et donc c'était Ashes and Ghost. Et là c'est nous vraiment dans l'ambiance voilà, survival horror à ce titre là et comme disait Akira Yamaoka, il disait comme quoi voilà, il a pas forcément besoin d'une mélodie précise, parce que dans Ashes and Ghost il n'y a pas vraiment de mélodie à proprement parler, c'est plus des sons qui met une ambiance assez malsaine, un peu voilà, dans des conditions angoissantes. C'est à la rencontre de ce qu'on appelle le méchant, le boss, où il y a une scène assez trash. Je ne peux pas la raconter en détail parce qu'il y a peut-être des jeunes oreilles et c'est pas, voilà, c'est pas l'âge à raconter, parce que le jeu, il faut savoir qu'il est déconseillé au moins de 18. Donc voilà, c'est pas un jeu à mettre dans les mains d'un enfant, comme un Terraway, comme un Mario, comme un Zelda, où on peut jouer, on va dire, très rapidement. Là, c'est vraiment un jeu pour adultes ou pour, voilà, ados, mais qui a une certaine maturité. Et donc, comme il disait, il aime bien utiliser les effets sonores comme des cris, des bruits, des, voilà, des, là, on entendait des bruits métalliques. Et ce méchant, entre guillemets, Pyramid Head, parce que c'est voilà, une sorte de monstre avec un grand tablier, un peu de boucher, voilà, comme on peut voir dans Rammstein, le chanteur titre qui porte ce grand tablier marron recouvert de sang, avec une, il a un corps d'humain, mais avec une tête, un grand truc en fer qui forme une pyramide. Et le nom exact, c'est Red Pyramid Head, parce qu'il est, assez, il est rouge et tout. Et il a une grande épée, une énorme épée qui traîne derrière lui. Il a une marche, entre guillemets, un peu chancelante. Et il marche assez doucement parce qu'il traîne cette épée-là. Et on s'aperçoit, bah voilà, que on se dit, oh, mais il ne pense pas très vite, il n'est pas très rapide, il n'est pas très vif. Mais quand le combat, je peux dire qu'il faut, voilà, s'il faut, il faut y aller. Hein. C'est pas forcément, c'est pas le boss très facile à avoir. Et donc, et dans Ashes and Ghost, on entend, voilà, cette ambiance malsaine, parce que voilà, c'est un jeu assez malsain, mine de rien, psychologiquement. Pas au niveau de début, à part cette fameuse scène où on voit pour la première fois Pyramid Head. Voilà, parce qu'il a une tête de pyramide, comme on dit. Mais voilà, sa note, c'est très psychologique. Et donc, voilà, Yamaoka voulait surprendre le joueur par différents sons et créer un environnement perturbant. Et dans Ashes and Ghost, on entend très bien ces différents sons perturbants qui nous font sursauter quand on joue au jeu et qu'on voit là ce Pyramid Head avancer. On se dit, bah, finalement, on n'est peut-être pas forcément tombé dans une ville si romantique que ça. Et aussi, lui, il aime bien aussi utiliser des moments silencieux pour mieux surprendre le jeu. Donc là, nous allons repasser, on va dire, au début du jeu avec Forrest. C'est quand il arrive dans la ville de Silent Hill. Quand James arrive dans la ville de Silent Hill à la recherche de Maria, avant de... on se gare vraiment à la périphérie de la ville et on rentre au départ pour aller à Silent Hill dans une forêt. Et oui, il se passe des choses plus ou moins, on va dire, qui font, ouais, des choses plus ou moins flippantes. Voilà. Donc je vous laisse découvrir Forest de Silent Hill 2. Et donc là, on arrive voilà, dans la ville de Saint-Ventile. On commence à entendre bah, l'angoisse arriver de cette ville. Ce qu'il y a de terrible dans cette ville, parce que voilà, Saint-Ventile a un très grand secret. Voilà, je ne vais pas vous le raconter. Et peut-être que je ne le sais pas, ce secret. Mais Saint-Ventile est une ville particulière et rien que. En rentrant dans cette forêt, on sent bah, cette perturbation. Donc on va reparler un peu bah, de la BO. Donc il faut savoir que Silent Hill 2, c'est l'épisode préféré d'Akira Yamaoka, donc le réalisateur. Et c'est aussi pour moi la BO qu'il est le plus fier d'avoir composé de sa carrière. Et je peux vous dire que moi je suis d'accord, les autres musiques de Silent Hill sont très bien, mais... Silent Hill 2 voilà, est très complète, il y a un côté très jazzy, un côté très sur certaines musiques, le côté très angoissant, il s'est très bien joué sur les émotions, sur les les sons, les choses qu'on joue le jeu, la BO l'a fait vraiment partie intégrante. Silent Hill jouait sans BO. Voilà. Par contre, si vous entendez des grésillements dans les chansons comme Steel Forest, Ashes and Ghosts, Event Night, White Noise ou les autres que je vais passer, sauf celles que je vais passer juste après, c'est normal. Ce n'est pas une mauvaise son que j'ai pris. Non, c'est normal parce que ça joue aussi beaucoup sur les bruits parasites parce que dès qu'il y a un méchant. Qui est là, dès qu'il y a un monstre qui arrive, James a une radio qui se met à grésiller. Donc ça annonce, quand on entend les grésillements, qu'il y aura soit un combat, soit une fuite à faire. Parce qu'on n'est pas obligé de combattre frontalement chaque monstre pour pouvoir faire, on n'est pas obligé de taper constamment. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu. Là, je vais vous dire que dans le Dog Ending, c'est aussi un autre bar, et on voit un chien qui écoute une musique. Et cette musique, c'est In My Eyes. C'est toujours composé par Akira Yamaoka, mais qu'on va retrouver plus tard dans... une année plus tard sur le jeu Beatmania IDX 5. Donc c'est un jeu de rythme de Konami. Et je veux dire, ça tranche un peu avec l'ambiance un peu jazz, un peu triste, un peu mélancolique que du jeu. Donc je vous laisse écouter In My Eyes du jeu Beatmania. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Il s'est lancé entre guillemets un petit clin d'œil... C'est souvent que ça arrive, c'est ce qu'on appelle les Easter eggs, donc les œufs de Pâques, entre guillemets, c'est Easter eggs dans les jeux vidéo, c'est les petits clins d'œil qu'on va faire, soit on va composer croix, carré, rond, et ça va faire, ça va mettre le personnage en maillot de bain alors qu'il fait froid, ou des trucs comme ça, et là le Easter egg... un des Easter eggs, c'est cette chanson-là qui fait partie d'un autre jeu, toujours par le même compositeur. Je vous laisse découvrir cette musique. Vous allez voir, ça va carrément flancher et ça va vous faire bouger. Et donc, c'était In My House du jeu Beatmania. Et donc, comme je vous ai dit, on peut le trouver dans le jeu Silent Hill. Donc, c'est vrai que par rapport à tout ce que je vous ai passé précédemment, ça tranche. Voilà, c'est vu que c'est un jeu Dream, il fallait que ça bouge. Donc, il s'est fait son petit clin d'œil à un futur jeu donc, qui est sorti quelques temps après Silent Hill. Donc, voilà. Voilà, les gens, s'ils ne faisaient pas attention, ne prêtaient pas attention, en disant « Ah bah c'est tiré d'un jeu », mais ceux qui sont amateurs de Easter Eggs, eux l'ont vite capté que c'était un jeu, voilà, c'était une chanson qui ne correspondait pas au rythme, mais vraiment au rythme du jeu, ni à la musique du jeu, mais vraiment, voilà, c'était un petit clin d'œil que, généralement, si on écoute bien la plupart des films, des jeux vidéo, des trucs comme ça, par exemple, Disney et Pixar sont très friands de mettre des petits personnages, soit pour annoncer un film, qu'on va voir un peu, par exemple, en jouet ou autre comme ça, et bah dans les jeux vidéo et dans les. On en voit souvent ce genre de choses aussi. Hein. Mais bon, c'est des trucs, entre guillemets, qu'on dit cachés comme les œufs de Pâques qu'on doit aller chercher dans le jardin. Et c'est exactement ça. Donc là, nous allons passer. Je vais vous passer une autre musique de Silent Hill 2, mais qui correspond bien à l'ambiance. Et bah, la folie, oui, ça s'appelle A World of Madness. Et ouais, Silent Hill, ça rend fou, je vous expliquerai pourquoi, juste après. Ferme ta In Mystic Air. Et vous allez découvrir tout ça. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. Je me suis aperçue que j'ai eu un petit problème technique qui venait de ma part où vous ne m'entendez pas. Je suis désolée et tout. Moi, je parlais et tout. Donc, je vous ai parlé des. Je vous mettrai en fait le lien des personnages. En fait, je vous parlais des personnages et moi, je ne me suis pas aperçue que j'avais remonté le niveau du micro. Je l'avais laissé en muet. Et donc, vous avez entendu Theme of Flora et tout. Mais donc, je vous mettrai le lien d'un super site pour les fans de Silent Hill et pour ceux qui veulent découvrir la licence Silent Hill. C'est Silent Hill France. Et voilà, je suis vraiment désolée. Donc là, je vais vous parler un peu des références qu'il y a sur le jeu Silent Hill parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de références. Donc, il y a l'aisselle de Jacob du film d'Adrian Lynn, sorti en 99. Et on voit la référence à ce film. Où on voit James arriver sur un lit d'hôpital par des infirmiers. Voilà, donc ça, c'est un petit clin d'œil. Nous avons Boob et Bette avec le film de David Lynch, là, sorti en 87, où on s'aperçoit que, en fait, le Blue Knights, c'est la même ambiance que ce film de David Lynch. Et vous avez Full Metal Jacket avec Stanley Kubrick où on voit un des personnages dédiés à Dombrowski dans le jeu faire une scène à peu près à l'identique de Full Metal Jacket où il va se pointer un pistolet, il est dans les toilettes en train de se dire « On se moque de moi, je suis gros, je ne suis pas quelqu'un de bien ». Donc c'est un petit clin d'œil. Il y a le film de Alice de James Cinq Majeur en 88. Et là, c'est vraiment. C'est au niveau de l'ambiance et tout. C'est un mythe de Alice au pays des merveilles modernes. Et en fait, dans Silent Hill, on s'aperçoit, c'est un autre côté. Silent Hill, c'est une ville très fantastique, entre guillemets. Un côté très mystique, très mystérieux. On en apprendra un peu plus sur le 3 de qu'est-ce qui s'est passé à Silent Hill, pourquoi cette ville elle est comme ça. Parce que il y a eu plusieurs Silent Hill. On apprendra peut-être un peu plus sur le 3. Et. Et voilà, et donc elle a un côté un peu Alice où on a Alice au pays des merveilles, parce que Alice le film, voilà, c'est un conte moderne en 88. Il a aussi été inspiré de Shining de Stephen King, mais je parle pas du livre mais du film. L'hôtel que donc parle Stephen King dans le livre, c'est l'hôtel a réellement existé, et l'image de l'hôtel qu'on voit dans Silent Hill, c'est exactement ce même hôtel. Et ça, c'est une volonté des auteurs, à mon avis, du fan service. Voilà, c'est à montrer. Ben, on est fan de cet auteur. Et passons cela. Nous mettons un hommage. Après, nous avons des artistes peintres comme Francis Bacon, Hans Bellmer aussi, où les personnages sont à la fois très torturés. On peut voir un personnage qui ressemble à Hans Bellmer, un peu à Pyramid Head, donc ce grand méchant de Silent Hill. Et Francis Bacon, c'est plus les personnages, les monstres qu'on peut voir, les sortes d'infirmières un peu difformes, décapitées, même au niveau de l'ambiance en général, parce que voilà, c'est toute une ambiance Silent Hill. Et voilà, c'est bien marqué. Donc là, je vais vous passer Love Spawns. Et juste après, on va conclure l'émission parce que ça s'approche déjà de la fin. Je suis encore désolée pour le petit souci technique. Mais voilà, je vous laisserai tous les liens sur la page Facebook Pixel Music sur RQC sur Facebook. Et si vous voulez aussi que je vous envoie les liens, n'hésitez pas à me contacter à lilisou@rqc.be. Donc je vous le passe Love Palms. C'était bien tombé, pile sur RQC. Passionné? Envie de partager et animer ta propre émission? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2 à rue Roger Salengro, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. RQC. Et donc c'était Love Palms, et donc nous approchons dangereusement des 16h. Et donc voilà, si vous voulez nous rejoindre en tant qu'animateur radio, n'hésitez pas, c'est vraiment sympa et tout, la radio. Et voilà, moi je fais une émission qui me plaît là sur les musiques des jeux vidéo, et j'espère que ça vous a quand même dit de jouer à ce jeu Silent Hill. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lilisou, L-I-L-I-S-O-U, @rqc.be, ou sur la page de l'émission Pixel Musique sur RQC. Donc sur la page Facebook de l'émission, ça me permettra de savoir aussi ce que vous aimez avoir et tout, comme son, comme musique, et si, entre guillemets, grâce à cette émission, vous avez envie ou non de jouer à un jeu. Et donc là, je vous laisserai avec Promise de Silent Hill 2, et je vous annonce que le prochain jeu, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, donc ça sera un jeu vidéo, ça sera le 13, ça sera un jeu vidéo pour toute la famille. Donc c'est un jeu sur console Nintendo avec un petit personnage vert qui a un ocarina. Donc voilà, je vous ai donné beaucoup d'indices avec ça, et vous saurez que la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus familial. Donc là, je vous laisse avec Promise. Donc c'est la conclusion du jeu, c'est la musique de fin.